Je reviens, belle Angélique. En allant chez votre mère, j'ai trouvé monsieur qui arrivait et j'ai cru qu'il n'y avait rien de plus pressé que de vous l'amener. C'est lui. C'est ce mari pour qui vous êtes si favorablement prévenu et qui, par le rapport de nos caractères, est en effet un autre moi-même. Il m'a apporté aussi le portrait d'une jeune et jolie personne qu'on veut me faire épouser à Paris. Jetez les yeux dessus. Comment le trouvez-vous ? Je ne m'y connais pas. Adieu. Je vous laisse ensemble et je cours chez Madame Argante. Êtes-vous contente ?